Activité 41. 1. Salut Guillaume. Tu as des nouvelles lunettes? Oui. Est-ce que tu aimes? Bien sûr. Elles sont belles. 2. Excusez-moi. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Je n'ai pas de montre. Oui, bien sûr. Il est 10h15. Attention, votre parapluie est ouvert. Ah oui. Merci. 3. Thomas, prends ton chapeau et ton manteau. Il fait froid. D'accord. Je mets mon chapeau et mon manteau. C'est bien.